Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour votre rendez-vous métallique avec donc 2 heures de métal en fusion qui vont faire monter la température de plusieurs degrés. Croyez-moi, c'est clair qu'on en a bien besoin en ce moment. Et puis, si vous avez les oreilles un petit peu encrassées, qu'il y a un petit peu de cérumen, croyez-moi, après ces 2 heures, il y aura plus rien du tout. Ce sera nickel, tout chrome, tout propre. Et bien ce soir, quelques nouveautés qui seront au nombre de 4. Et puis aussi un petit retour sur les dernières sorties qu'il y a eu depuis la fin de l'année 2022. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Et bien on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Un groupe qui nous vient du sud de la France, qui vient de sortir son premier album. Le groupe s'appelle Colosse, l'album s'appelle Origine. Donc c'est un mélange de thrash américain et de grunge. On peut appeler ça du trash garage, enfin bref, on peut appeler ça comme on veut. Toujours est-il que c'est pas mal du tout pour un premier jet. Extrait de ce premier album, le morceau de ce soir qui ouvre Electric Shock, ce sera tout simplement Open. Can Pray, un extrait du EP Rules of the Game de Nymalia, à l'instant, juste avant, qui ouvrait l'émission, le premier album de Colosse Origine, et c'était le morceau Open. Eh bien, on va se faire une nouveauté ou de la série Comment faire du neuf avec du vieux. Mais là, bon, c'est quand même quelque chose de très exclusif que je vais vous diffuser là. C'est dédié à tous ceux qui ont connu la scène métal orléanaise de début des années 90. Eh bien, si vous vous souvenez, ces dernières semaines, on vous avait passé des extraits donc de Drifter, groupe de copains qui était originaire de Chessy, qui à l'époque avait fait donc deux démos et un 45 tours, et puis après, bon, l'aventure s'était arrêtée là. Drifter, donc, qui a eu la chance là, d'être réédité sur un label portugais qui recherche justement des choses très très underground. Si vous allez faire un petit tour sur le site du label qui s'appelle Lost Realm Records, on verra des trucs, on se demande où c'est qu'ils ont été pêcher ça. Donc, eh bien, si vous avez connu la scène de métal des années 90, au début, il y avait les groupes de hard rock traditionnels et on commençait à se diriger un petit peu vers des choses un peu plus brutales, telles que du hardcore, avec des groupes tels que les DDT, qui sont devenus, APRS, qui est devenu les Burning Heads aussi. Et puis il y a eu un groupe typiquement trash metal, influencé donc les groupes américains genre Dark Angel ou les groupes allemands genre Creator ou Sodom, c'est Capharnaüm. Alors Capharnaüm, c'est ni plus ni moins que quelque part la suite de Drifter, puisque l'ami Laurent Leyer, quand Drifter a splitté, a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus radical et qui correspondait plus à ses goûts à ce moment-là. Et donc il s'était mis avec son pote Pascal Grégoire, dit Dandan, hein, qui était donc le parolier de Drifter, qui lui s'était mis à la basse, et ils ont commencé à composer des morceaux trash avec l'aide d'une boîte à rythme. Très peu de temps après, le frère de Laurent, Olivier, a rejoint donc le groupe, qui a commencé donc à répéter en tant que trio. Quand ils se sont estimés suffisamment prêts à avoir un répertoire cohérent, ils ont commencé donc à écumer les bars, à faire des concerts. Et en 91, ils avaient sorti une petite démo de 4 titres qui était déjà pas mal du tout. Et en 93, ils avaient décidé donc de franchir le pas et de sortir un CD autoproduit. Et CD autoproduit, à l'époque, avait fait quand même pas mal de bruit, puisque celui-ci avait été chroniqué dans Best, quand même, excusez du peu, donc, et dans pas mal de fanzines comme ACO, et puis aussi dans les magazines de hard, avec des critiques assez élogieuses. Il faut reconnaître que bon, dans le genre, c'était pas mal du tout pour un trio. Bon, le groupe a continué après plusieurs années. Bon, après, il y a eu des petits changements de line-up, puisque Olivier après est parti pour raisons professionnelles. Il y a eu un deuxième guitariste qui s'est greffé, un autre batteur, et d'ailleurs à un moment donné on a eu comme Pierre Belleville qui est venu à la batterie, et Pierre après on l'a connu avec Lofofora et bien d'autres projets, voilà. Et donc cet album vient d'être réédité par ce label, agrémenté de 4 titres live, voilà. Donc pour se remémorer cette époque bénie, si vous l'avez connue, c'est mon cas par exemple, quand je vais réécouter ça, que de souvenirs. Donc, extrait de cet album éponyme, Vivisection, Stop the Torture, un morceau qui parle donc de la torture animale pour des expérimentations. Comme quoi, vous voyez, c'est toujours d'actualité. Blinding by Hate, c'était Hate with Dogs, extrait donc de leur EP éponyme sorti en 2020, qui n'est ni plus ni moins que de réenregistrement de vieux matériel des années 90. Juste avant, c'est une réédition d'une autoprod qui datait quand même de 1993. C'était les Cassiens de Capharnaüm, avec le morceau donc Vivisection Stop the Torture. Voilà. Donc réédition donc avec donc 4 titres inédits en live en plus. Donc c'est des très durs à trouver. Soit vous allez sur le site du label, et il y en a quelques-uns aussi, si ça vous intéresse, à Planète Claire, le disquaire bien connu. Eh bien, changeons complètement de style avec quelque chose de beaucoup plus éthéré, aérien, avec un groupe que j'adore, ça vous savez si vous êtes de fidèles auditeurs. On va revenir donc à l'album You'll Be Glad de Marillion, un album que je vous passe vraiment en exclusivité, puisque celui-ci vous ne le trouverez ni en vente dans le commerce, ni sur leur site, puisque celui-ci n'est envoyé qu'aux membres du fan club du groupe. Ça, c'est le cadeau de Noël que le groupe nous a fait pour cette année. Sinon, tous les ans, si vous faites partie du fan club, vous avez droit donc à un CD ou un DVD au choix, et toujours du matériel de premier choix. Donc là, ils nous ont sorti un double CD enregistré à Londres le 27 novembre 2021, quand les concerts commençaient à reprendre. Et sur ce concert, il y a une reprise fabuleuse du morceau The Leavers, qui est extrait donc de l'album Fear, Fuck Everyone and Run, qui était sorti en 2017, qui était le tout dernier album studio. Alors, vous savez qu'en radio, normalement, on doit passer des morceaux assez courts. Combien de fois j'ai reçu des singles avec des versions édites, tout ça, parce que le morceau, par exemple, faisait 4 minutes, alors qu'il faut qu'en radio, ça fasse 3 minutes 30. Ici, c'est pas grave, on s'en fout. Que le morceau fasse 3 minutes ou qu'il en fasse 15, c'est pas un problème. Du moment que c'est bon, on diffuse, voilà. Parce qu'après tout, si l'artiste a voulu que le morceau fasse une durée définie, c'était son choix, donc je vois pas pourquoi on en couperait un morceau. Donc The Leavers, vous nous emmenez quand même 19 minutes quand même. On se retrouvera dans 19 minutes, mais vous n'aurez pas l'impression que ça dure autant, tellement c'est magnifique. Enfin bon, je suis pas très objectif quand on parle de Marillion, ça vous le savez d'avance. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. We'll be right back. careful, we'll leave you. The remains remain in their homely places. Go home, wash their faces, lay down their heads as the leavers take with them their lonely craziness. Our fast moving laughter, our fast moving birds, and our roots slowly lose focus like gypsies and friends. We will meet someone new, someone. Thank you. In your eyes, I know. bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. The Liver, ce sublime morceau de Marillion, extrait de l'album exclusif You'll Be Glad, enregistré donc à Londres en novembre 2021. Eh bien, continuons avec quelque chose d'un peu plus heavy, avec un esprit très 70s et pourtant c'est très actuel, puisque c'est sorti là, fin au mois de novembre. C'est le premier album de Bad Kings, que vous devez commencer un petit peu à connaître, ce Take Me Into Your Kingdom, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on en passe. Et ce soir, un morceau très 70s, mais ouais, c'est toujours actuel malgré tout, ça s'appelle Fire All I Need. still wait for my sugar to show. I've been down on my luck, I've been down on my wealth. I gotta stop taking care of somebody else's business, stop taking care of myself. I gotta leave this town, I gotta leave this town. Retour vers le futur, puisqu'à l'instant nous étions en 1981, année où Thin Lizzy sortait son album Renegade, et là c'était le morceau Leave This Town, et ça c'est en hommage donc à Phil Lynott, qui était le légendaire chanteur-bassiste, qui a disparu, c'était le 4 janvier 1986, donc en hommage à ce grand monsieur. Voilà, c'était Thin Lizzy ce soir. Juste avant, par contre, retour en 2022, fin 2022, avec le premier album de Bad Kings, Take Me Into Your Kingdom, et le morceau Fire All I Need qu'on a eu ce soir. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe français qui s'appelle Edenia, qui nous a déjà sorti un EP et déjà un premier album. Ils viennent donc de sortir leur deuxième album qui s'appelle Another Place. Alors là, on est dans une ambiance complètement différente. On pense à Anathema, Cocteau Twins, Pink Floyd, enfin des choses quand même très aériennes, mais très agréables, comme vous allez pouvoir le constater tout de suite avec un extrait de cet album qui s'appelle The Tree. for human skin. This madness can't come in. This madness can't come in. Charlotte Wessels, l'ancienne chanteuse de Dylan. Tiens, Dylan devrait sortir son prochain album début février. Bah, ça vous en passera à ce moment-là. Donc, extrait de son album Tales from Six Feet Under Volume 1, sorti en 2021 en vinyle. Et là, qui vient de ressortir donc en CD, agrémenté du Tales from Six Feet Under Volume 2. Vous me suivez, j'espère? Voilà. C'était le morceau Superhuman. Juste avant Made in France et deuxième nouveauté de la soirée, Edenia et son deuxième album Another Place, c'était le morceau The Tree. Et Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, attaqué la deuxième heure. On va continuer avec quelque chose d'un petit peu plus musclé, avec du métal américain, dont Disturbed est un des fers de lance actuels avec son nouvel album Divisive. Et on va s'éclater les tympans avec Part of Me. I'm not afraid to die. Dewey avec son concept album Serial Killer, c'était What If, et juste avant Dewey, c'était donc Disturbed avec un extrait de Divisive, leur dernier album, et c'était Part of Me. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la semaine, et pour ça, je vous emmène à Toulouse, découvrir un groupe qui s'appelle NIT, qui existe depuis 2017. Et qui viennent donc de sortir leur premier album bah, éponyme, tout simplement. Alors celui-ci est sorti en mars 2022, mais je l'ai reçu en fin d'année dernière, donc voilà, c'est tout à fait donc une nouveauté dans le cadre d'Electric Shock. Alors musicalement, eh bien, NIT a plutôt été bercé à la scène ce qu'on a appelé néo-metal de la fin des années 90-2000, et bah, toujours est-il qu'on peut dire qu'ils ont bien digéré les codes, ça c'est indéniable. On va s'en rendre compte tout de suite avec le morceau « Stupid ». We'll be right back. that there is no price. Portraits of black hang inside me, quite divine. They pulse inside. The Dark Do The Rest, extrait de Requiem qui était sorti au printemps l'année dernière. Juste avant, troisième nouveauté de la soirée, premier album des Toulousains de Nid et leur album éponyme, c'était le morceau Stupid avec la petite intro Are You. Et si je vous emmenais faire un petit tour au parc en compagnie de Magoyand, ça peut être une virée intéressante. Et bien avec Magoyand, on a décidé d'aller faire un tour au Monsta Park. C'est quoi le Monsta Park? Eh bien, on va le découvrir tout de suite maintenant. Extrait donc de leur album Necropolis. Cet effroyable parc vous fera endurer le pire. Profitez bien de nos attractions. Le déchiqueteur d'humains est en rénovation. Riez, hurlez, dominez la peur. Dans les lobbies du Monster Coaster. Un billet pour le Game Fire. Venez trembler à Monster Park. Le carrousel sanglant vous fera vivre un tour d'horreur. Le train fantôme est possédé. Et les rails du Grand 8 ne sont pas terminés. Riez, hurlez, dominez la peur. Dans les loupines du Monster Coaster. Un billet pour le Game Fire. Thank you. couple, ta belle Europe. Machine à cash, misanthrope. Elle bouffe le cul des plus grandes firmes. Tenue en laisse, je le confirme. La belle Europe, méritocrate. Chasse gardée des bureaucrates. L'austérité en étendard. Dans le silence des tours d'ivoire. La belle Europe, la belle affaire. Puis les gagne et face du père. L'Europe se vieille d'un trait d'union entre lobby et commission. De la finance et de son biotope, qui dégrade son ménagement, la terre au sol, les pauvres gens. Y'a pas le bout qu'on stoppe, y'a pas le bout qu'on stoppe, y'a pas le bout qu'on stoppe. L'Europe est une machine cynique, allergique au service public. Choisir l'Europe, c'est le succès de toute une vie. Pour la monnaie, l'Europe d'Amazon et d'Uber. Des monstres froids, des dents de la mer. Tentaculaire comme un rhizome. Le poison au cœur de l'atome. L'Europe dépend des pesticides, des dividendes et des subsides. Les salariés qui agonisent, la concurrence qu'elle préconise. La belle Europe, des commissaires, des équilibres budgétaires. Servir la soupe aux actionnaires, voilà son ambition première. À la fois. Y'a pas de bouton stop, y'a pas de bouton stop, y'a pas de bouton stop, nous travaillons pour l'Europe. Nous travaillons pour l'Europe. Nous travaillons pour l'Europe. Camaradix, c'est le troisième album de Démago et l'hymne à la joie. C'était donc le morceau de ce soir, extrait donc de leur album sorti fin octobre, juste avant Démago, Magoyan, qui nous emmenait faire une petite balade au Monster Park sur l'album Necropolis. Et on va bientôt attaquer la dernière demi-heure de l'émission et on va se faire donc la dernière nouveauté de la soirée. Et pour ça, je vais vous emmener faire un petit tour au New Jersey, découvrir un groupe qui s'appelle Ruby the Hatchet. Alors Ruby the Hatchet, c'est un groupe qui existe depuis maintenant 10 ans. Qui a déjà sorti 3 albums. Les 3 précédents, apparemment, d'après ce que j'ai cru lire, étaient plutôt dans un registre un peu doom stoner. Et celui-ci, qui s'appelle Fear is a Cruel Master, qui est sorti donc fin octobre, est plus heavy que ses prédécesseurs. Une influence très 70s. Moi, ça m'a fait penser à plutôt à Blue Oyster Cult pour le mélange guitare-clavier. Ainsi qu'au niveau du chant, bien que ce soit une chanteuse qui officie dans ce groupe. On y retrouve un son un peu fin des années 70, début des années 80, avec beaucoup de réverb dans le chant justement, et puis des riffs un petit peu nerveux, assez secs, genre New Wave of British Heavy Metal. Bref, tout ça, c'est un peu comment faire du neuf avec du vieux, et c'est, ma foi, très réussi, je trouve. Et on va se rendre compte tout de suite avec le morceau, donc Deceiver. Thank you. Les vétérans canadiens de Sword avec leur troisième album intitulé tout simplement Free, c'était Spread the Pain. Juste avant, tout nouveau, tout chaud, puisque c'était la nouveauté, une quatrième nouveauté de la semaine, Ruby the Hatchet avec Fear is a Cruel Master, extrait donc le morceau Deceiver, sorti fin octobre. Eh bien, changeons de registre avec quelque chose de plus bluesy. On va revenir, tiens, au EP de Betty Jane, la voisine en culotte, qui nous proposait un rock grivois et plutôt fun. Eh bien, sur ce EP figure un morceau un peu plus sérieux et un peu plus bluesy qui s'appelle « Flirt avec la drogue », qu'on va s'envoyer maintenant. Je split en orbite, je ne touche plus le sol en apesanteur. Exit, régurgite, une ligne devant moi, montée de chaleur. Exit, ressuscite, je prends mon envol. Les signes du nirvana et flirter avec la drogue. Et flirter avec la drogue. Et flirter avec la drogue. Exil, l'exomile, milliers de pas. qu'on laissait moi atteindre juste une fois le royaume de Shiva, les cimes du Nirvana. Du bout des doigts, mais tu te dérobes à moi. Je devrais redescendre avant de me faire prendre, mais juste avant, laisse-moi atteindre juste une fois la lumière qui vient à moi et me rapproche de toi. Ce petit flirt avec la drogue vous était offert par Betty Jane sur son EP La voisine en culotte. Passons à quelque chose de beaucoup plus trash maintenant. Tiens, on va revenir à l'album de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead. Alors, si vous êtes assez chanceux pour avoir le premier pressage, il y a deux titres bonus. Tout d'abord, une reprise de This Planet's on Fire, Burning Hell, avec Sammy Hagar, qu'on vous a déjà passé il n'y a pas tellement longtemps, et un titre live intitulé d'abord Dystopia, et par contre c'est une faute de frappe puisque ce n'est pas du tout Dystopia, c'est le morceau The Conjuring. Apparemment il serait enregistré donc à Cincinnati le 20 septembre 2021. Voilà. Donc bah pour ce soir, allez, un petit The Conjuring, ça vous dit? Allez, hop, on s'envoie ça tout de suite. We'll be right back. extrait de l'album live The Bay Calls for Blood live in San Francisco, d'extrait donc du DVD de Death Angel, Trash Humanitary, ça c'était sur le CD bonus. Juste avant Death Angel, c'était Megadeth avec un des deux titres bonus du premier pressage de The Sick, The Dying and The Dead, avec une petite version live de The Conjuring enregistrée en 2021. Allez, il nous reste très peu de temps, mais on a le temps de se faire un dernier petit morceau. Et si on revenait à l'album éponyme de Bukowski, pour terminer en beauté avec le morceau Stolen. Till the sunset, I'm waiting for the devil and his homie's body was made. Before the sunrise, we're gonna take the time to destroy it all, to destroy it all. Don't worry, it's too late, but carry on, everything's gonna be okay. De Bukowski, voilà, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci encore d'avoir été à l'écoute de cette émission. J'espère vous retrouver la semaine prochaine où j'aurai bien sûr d'autres nouveautés à vous proposer. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À mardi, salut à tous. Declarações do Governador do Banco de Portugal, que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças. O Ministério da Educação garante que vai apresentar uma proposta mais apelativa aos sindicatos. Foi uma garantia deixada hoje por João Costa, o ministro que está de visita a Luanda. Recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território. Sobre isto, vamos continuar a trabalhar, as reuniões estão marcadas, vamos levar o modelo